Bonjour Raphaël. Bonjour, Louis-Xavier Michaud. Hey, ça me fait plaisir d'entendre mon nom complet. Dis-moi Raphaël, aujourd'hui tu viens nous parler de Sega. Oui. Non pas ses garçons, mais bien la compagnie Sega Oui. et sa contribution à l'histoire des jeux vidéo, si on veut. Oui, on peut dire ça. OK. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de Sega? Comment ça se passe aujourd'hui, Sega? Il me semble que la dernière fois que j'ai entendu parler de cette compagnie-là, c'était avec le film Sonic. Oui, eh bien, aujourd'hui, Sega, c'est plus dans les salles d'arcade au Japon, OK. mais ils font plus de consoles de jeux. Ils OK. font encore quelques jeux, comme la série Bayonetta. Ça, c'est eux autres qui le font. OK. C'est quoi comme genre de jeu? Je n'ai jamais joué, personnellement. OK. C'est comme un jeu de combat, je pense, RPG, peut-être. OK. Donc, C'est comme ça, c'est une un peu. sorcière, là, qui combat des monstres. Oh, OK. Puis ça, c'est à peu près. C'est la seule série de jeux Non, il y en a qui. d'autres, mais je m'en souviens plus. OK. Puis, tu me dis qu'ils font plus de consoles. Ça veut dire qu'à une certaine époque, ils en faisaient? Oui, ils en ont fait pendant plusieurs années. OK. C'était les plus grands compétents de la compétition de Nintendo. Oui. C'était la guerre des consoles. OK. Alors qu'aujourd'hui, on peut dire que le marché des consoles, ça se passe. Entre plus PlayStation, Sony puis Microsoft. Ouais, c'est ça. Puis un peu Nintendo, mais bon. Un peu Nintendo, mais off. Ouais, OK. Moyennement, là. Parfait. C'est bon. OK, donc qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Sega? Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? C'est-tu une compagnie, une culture que tu affectionnes particulièrement? C'est quoi la raison qui fait Mais que tu moi, m'en parles? j'aime beaucoup les jeux vidéo, surtout les jeux vidéo rétro. OK. J'ai pensé à ça là, quand on a parlé du podcast. OK, donc les jeux vidéo rétro, ça serait quoi les titres, par exemple, pour donner une référence aux gens? Il y avait Atari, OK. il y avait Nintendo avant, Oui. ça existe encore là, mais avant. OK. Puis il y avait Sega, puis c'est pas mal ça. OK. Il y en avait d'autres là, comme la Neo Geo, puis il y en avait d'autres, je vais pas toutes les nommer. OK, mais OK, quand tu me parles des jeux vidéo, tu parles des consoles Oui. rétro. OK, je pensais que tu me parlais Ben des non. jeux en particulier. Mais. Mais ça reste que à l'époque aussi, ils fabriquaient des jeux strictement pour une console. Ben la plupart des jeux c'était pour toutes les consoles. OK. Sauf que Nintendo, si tu voulais avoir un jeu sur Nintendo, ça serait seulement sur la Nintendo. Et ils OK. donnaient l'exclusivité à ça. OK. Puis il y en a qui sont des productions de Oui. Nintendo même, comme par exemple Mario, Zelda, tout ça, c'est sûr qu'on les verra pas sur d'autres consoles parce que c'est des Oui. propriétés Oui, il y a déjà eu de Nintendo. des collaborations. Par Ah, contre, OK. Nintendo avec Philips, c'était pas très glorieux. OK. Comme Zelda, je vous conseille de pas aller voir ça. C'était assez traumatisant. Puis, Qu'est-ce que tu veux dire? ben là, c'était comme une espèce de film. Puis là, il y avait une espèce de sorcier qui fait Stoilala! OK. C'est épeurant. OK, mais Puis, on n'ira pas voir ça, comme tu dis. C'est bon. puis aussi, il y avait une collaboration possible entre Nintendo et Sony. Sauf OK. que ils ont refus, ben, ça n'a pas marché là, Ah, finalement. OK. Donc, il reste encore aujourd'hui des ennemis. Oui. Ou en tout cas, des concurrents, au moins. Oui. Je pense pas qu'il y a des gens qui sont des ennemis au point de vouloir détruire les consoles des autres. Là, on n'est pas là, là. On est-tu là ou... Ben, je penserais pas, Tu penses non. pas, non? OK. C'est bon. Puis, comme compagnie, Sega, les consoles de jeux qu'il y avait à l'époque, c'est quoi? Ben, la toute première, c'était la SG-1000. OK. La plupart des gens pensent que c'était la Master System, mais c'était la SG-1000. OK. Un hasard est sorti le même jour que la Famicom, Qui était que. la première console Nintendo, c'est Oui, ça? que la OK. Famicom, c'est devenu la NES par après. Oui. La Famicom, je pense que c'est juste sorti au Japon, mais pas. Ben, ça se peut que ça soit sorti un peu, mais pas mal plus au Japon. OK. Est-ce que Sega, c'est une compagnie qui est basée au Japon aussi? En fait, au début, c'était américain. C'était pour transporter des machines à sous au Japon. Hop, ben. Puis c'était comme. Ça commence par SE. Puis l'autre mot d'après, c'était game. OK. Fait que, ouais. OK, ça, c'est l'origine de la compagnie. OK, puis donc, ils ne après faisaient ça, pas des jeux vidéo au départ? non, au début, c'était pour importer des machines à sous au Japon, puis après ça, c'est devenu des jeux vidéo. OK. Puis la SG-1000, était plus chère que la Famicom, OK. mais c'était à peu près 5 fois moins beau, les graphiques, puis les jeux étaient moins le fun. Plus cher, plus plate. Ouais, Fait qu'on mais comprend pourquoi on n'a pas entendu parler beaucoup. elle a quand même marché parce que la Famicom, elle avait des problèmes d'imprimerie sur les cartes mères puis tout, là, fait Ah, que OK. elle avait des bugs. OK, il y avait certains systèmes qui étaient défectueux, dans le fond, Oui. ou qui ne fonctionnaient pas bien. OK. C'est-tu à cause de ça qu'il fallait souffler dans la cassette? Non, ça, c'est juste parce que ça ramasse la poussière. Ah, OK, parfait. Est-ce que tu avais autre chose à nous dire à propos de Sega aujourd'hui? J'aimerais vous donner plus d'informations, mais si j'ai pas de questions, j'ai pas vraiment d'idées Non, OK. d'informations. OK. Ben écoute, c'est quoi les deux, trois gros noms de Sega là, en termes de propriété intellectuelle, de jeu, de ce qui reste aujourd'hui dans la culture, c'est Ah, quoi? dans le fond, ce que je voulais parler, c'est que Sega cherchait une mascotte pour faire face à Mario. OK. Puis là, ils ont essayé plusieurs personnages. Par exemple, il y avait Alex Kidd, mais bon, c'était un enfant, puis c'était pas super le fun. OK. Après ça, il y avait Altered Beast. OK. Ça s'écrit comme altéré en anglais, puis Beast comme Oui. un monstre, là. OK. Puis, Ouais, puis ça, c'est difficile de faire sauf un que. symbole à quelque chose qui a l'air Ouais, d'un ça, puis monstre, ouais. c'était bizarre parce que c'était comme un loup humain à moitié tout nu. Oh, ça, Fait que ça m'inquiète déjà, là. J'aime pas ça, ce que tu c'était pas dis. Ça me fait attirant. peur. Ouais, OK. Fait que après ça, ils ont demandé à la personne, que je me rappelle plus son nom, mais c'est lui qui avait relancé Barbie. OK. Puis lui, c'est lui qui a créé Sonic. Au début, il avait créé Sonic, mais là, ils ont dit que ça c'était pas bon parce qu'il n'y avait pas d'hérisson aux États-Unis. OK. Fait que finalement, ils l'ont pris. OK. Finalement, c'est ça, puis ça a full bien marché. Ben oui, c'est ça, ça a été un grand succès. Dans le fond, c'est à peu près c'est la première chose qui nous vient en tête quand on pense à Sega, on pense à Sonic. Oui. C'est ça. OK, donc c'était quand même une belle histoire. On travaille. Ça reste quelque chose qui a été créé, dans le fond, pour être une réponse à Mario. Ouais. C'est ça. Puis. Puis aussi, ce qui a fait sa chute, c'est surtout qu'à chaque fois qu'un concurrent sortait une nouvelle console, les autres se dépêchaient, puis c'était pas bon. Ils se OK. dépêchaient pour sortir OK, tout pour de sortir suite. un compétiteur qui essayait d'être un équivalent, mais finalement, vu que Ouais. le produit n'était pas mature, ben ça générait pas suffisamment de ventes. OK. Ben écoute, merci beaucoup. J'ai appris des choses. Ok, tant mieux. J'espère que les gens à la maison qui nous écoutent aussi en ont appris. Fait que merci, puis à la prochaine, Raphaël. À la prochaine, bye bye.